OK, deuxième partie, se définir par l'action. Je vais mettre un relief important. Très peu de gens sont capables d'aller dans le domaine de l'action sans réfléchir. OK? Donc, pensez pas que être conscient puis pas penser, c'est le bout du bout du bout. Parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez vouloir. C'est quelque chose qui peut se faire par le fait que les forces acceptent de le faire. Bien important de comprendre ce point-là. Vous ne pouvez pas vouloir passer à l'action. Vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas vouloir passer à l'action. Fait que je délivre les gens, là, parce que je regarde Gilles des fois, « Ah, il faut passer à l'action, blablabla. » Lui, c'est peut-être dans sa nature, mais ce n'est pas le vouloir passer à l'action. C'est « tu peux passer à l'action ». Avouez-vous la nuance? Parce que quelqu'un qui veut passer à l'action, c'est comme s'il voulait être à la place des forces. Ce que vous allez avoir qui va être à la place des forces, c'est une entité. Fait que vouloir passer à l'action, c'est une manipulation astrale. C'est important de comprendre ça. Ça fait passer à l'action les forces, mais ça permet pas de vouloir passer à l'action. Fait que c'est faux de penser que moi, exemple, je pourrais pousser quelqu'un à l'action. Il faut qu'il reconnaisse par lui-même qu'il peut vouloir passer à l'action. Claire, on a une bonne chimie au niveau dans le corps émotionnel, là, 100% biorhythmique. Donc, si moi je vibre un senti de, elle va le poigner, mais elle peut pas l'expliquer comme moi je peux l'expliquer, puis elle peut pas justifier son mouvement autre que par le fait de l'essayer. Vous me suivez? Mais il n'y a pas de vouloir passer à l'action. Je peux pas dire à la claire, écoute, il faut que tu passes à l'action. Je peux pas faire ça. Si je fais ça, je l'astralise. Bien important ce point-là, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, l'autre il agit pas parce que il veut pas. Il agit pas parce qu'il peut pas. Très très différent. Il est avec une femme qui a pas le même pouvoir de passer à l'action que le pouvoir qu'il a à l'action, parce qu'elle a pas le même pedigree, la même mémoire, la même structure karmique. Vous me suivez? Donc, l'affaire de vouloir pousser l'autre à passer à l'action, c'est pour ton ego, ça, que tu fais ça. Tu veux juste... Tu te donnes une satisfaction à voir qu'il n'est pas capable. C'est-tu l'influence? L'influence, quand les gens poussent les gens à l'influence, ils ne font pas ça pour la personne. Il n'y a pas de développement là-dedans. Un individu ne se développe pas parce qu'il fait ce que tu lui dis de faire. Il n'y a pas de... Le développement, c'est individuel. Là. Ça ne vient pas d'un autre. Là. Comprenez? C'est pour ça que je dis tout le temps, moi j'ai 3% de compréhension d'une soirée, c'est assez. Parce que sans ça, si je dirais 100%, c'est parce que je voudrais, à la place de l'autre, que l'autre veuille ce que je veux. Ça, c'est de l'ego en tabarnak. Là. Ça, c'est ça du gourou. Du gourou, c'est vouloir que l'autre le fasse pour ta satisfaction. Donc, se définir par l'action, ça veut dire que tu es prêt. Bien important ce point-là. Être prêt. Ça veut dire que tu as assez de sécurité, parce qu'il y a une sécurité là-dedans, et la sécurité te vient pas par l'approbation. On dit, ah, ben, t'es capable, là, tu sais. Si je dis à Micheline, ouais, t'es capable. C'est peut-être pas son but. Tu sais, exemple, t'es capable de faire de la cuisine. Tu sais, faisant, on va voir si tu peux en vendre. Mais si elle a pas la vibration, c'est pas parce qu'elle peut qu'elle veut. C'est important, ce point-là. Là. Fait que, il y a des gens qui n'ont pas la sécurité, mais ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire. Mais ils n'ont pas la sécurité de le faire. Le meilleur exemple que je peux vous donner, écoute, j'ai fait de la compétition de moto. Quand j'avais 20, 25 ans, je faisais la compétition de moto. Je pouvais me mettre sur un tremplin. Puis faire, on avait déjà calculé, mané, nos longueurs de saut. On se prenait un tremplin d'à peu près deux fois ma grandeur. Ça fait quoi, 10 pieds à peu près? Et puis, on prenait des tremplins de 10 pieds, puis là, on se souillait ça, puis on faisait des 60, 70 pieds dans les airs, puis là, on atterrissait. Puis ça cognait, là. Ça cognait d'aplomb. Tu me demandes ça aujourd'hui. Je sais comment le faire, mais je suis pas sûr que je serais capable de bien atterrir sur ma machine. Ou peut-être j'atterrirais bien parce que je me rappelle la technique, mais j'aurais mal dans le dos en tabarnouche le soir, tu sais. Fait que si j'ai pas la sécurité de ce que j'ai déjà pu, tu sais, on a déjà été capable, tu pouvais le faire, je l'ai fait, puis je l'ai fait souvent pour ça, mais j'ai plus la même sécurité qu'avant. Donc, je peux plus le faire, mais je peux le faire, mais il faut que je creuse dans mes mémoires pour pouvoir le faire comme ça. Vous me suivez? Donc, si je rencontre quelqu'un qui n'est pas prêt, il ne peut pas se définir par l'action. Il peut se définir par une compréhension, là, comme j'expliquais dans le premier CD. Tu peux te définir par l'idée, mais tu n'es plus capable dans l'action ou tu n'as pas les ressources, tu n'as pas le karma pour pouvoir d'avoir la sécurité suffisante pour pouvoir le faire. Même si c'est facile à faire, moi, tu me mets dans la popote, puis moi, vendre les tartes, pas de trouble. Mais faire des tartes, j'ai pas la sécurité. J'ai peur d'empoisonner quelqu'un. Tu sais, c'est comme, bon, OK, c'est pas, tu sais, c'est pas ta vibration. Fait que tu vas dire, ouais, mais tu pourrais, si tu fais une étude, ah, j'ai déjà voulu faire quelque chose. J'ai même fait un saumon Gravlax. En suivant la recette, bien comme il faut. Puis finalement, c'était bon. Bernard a mangé, puis il a dit, « Hey, gros minou, t'es cuisinier. » Pas vraiment, là, c'est juste que je me suis mis au défi. C'était la fête à Monique Messier dans le temps, puis je voulais vraiment l'impressionner. J'avais invité la gang, là, tu sais, la gang de... Ouais, la mafia de l'occulte, là. Et puis, j'avais pas de sécurité, j'avais juste un coup de gueule, là, tu sais. Puis j'ai été capable de le faire. Mais là, si tu me demanderais de faire un Gravlax, je sais pas. Peut-être. T'sais. Quand même pas dangereux faire de la cuisine, t'es aux bonnes limites. Mais j'ai pas. Je peux pas dire que je suis prêt tout le temps. Là, t'sais. Fait que si vous êtes dans un mouvement de vie où les gens vous invitent à l'action et ça va jusqu'à chercher à vous endoctriner, là, faites attention à ce genre de monde-là. C'est très, très toxique pour l'équilibre de votre vie personnelle. Moi, je dis tout le temps aux gens, si vous ne le vibrez pas, faites-les pas. Même si vous pouvez le faire, si vous ne le vibrez pas, faites-les pas. Pour éviter justement ce facteur d'influence-là qui vient se coller à l'individu puis qui devient comme malgré lui ou malgré elle. Qu'est-ce qui est l'origine d'un conflit? C'est quelqu'un qui peut agir plus que l'autre. Ah oui. Oui, le conflit se base là. Si tu as une chicane, tu as des gens qui sont jaloux, qui se sentent exclus, qui se sentent rejetés, ou n'importe quoi. C'est une zone de conflit, ça. T'sais, vivre du rejet, c'est une zone de conflit. C'est parce qu'il y en a un qui peut plus que l'autre. Ça rejette quelqu'un, ça va être plus prêt que l'autre. Tu es plus sécure que l'autre. L'autre, qui se mesure, qui se compare, se sent exclu. Il va se forcer à poser des actes sur lesquels il n'y a pas nécessairement une vibration. Et conséquemment, ben là, il peut se mettre en initiation à cause de ça. Un individu n'est pas fait pour tout faire. Moi, je peux très bien parler, je peux très bien faire ce que j'ai à faire pour moi-même. Je peux faire, exemple, du tir à carabine, je ne connaissais pas. Moi, là, en 2010, excuse-moi, je commençais comme tout le monde. Puis aujourd'hui, je peux dire qu'il y a peut-être juste 3-4 personnes qui me suivent vraiment là-dedans. C'est pour aller jusqu'au niveau compétition. Là. Mais c'est des gens qui ont une vibration personnelle, qui ont, avec leurs moyens, la capacité de s'équiper selon leurs moyens puis leur motivation. Mais d'aller se ramasser avec des carabines de 3-4 000 piastres, il n'y en pleut pas. Il faut avoir les moyens, puis il faut avoir la sécurité de dire, ben moi, j'ai investi 4-5 000 dans une carabine. Puis je vais être capable de tirer pendant 4-5 ans. Tu sais, si tu amortis 1000 piastres, une carabine de 5 000, l'amortis 1000 piastres par année, tu peux toujours avoir une coupe de 1000 avant, quand tu vas avoir à revendre ça. Parce qu'un télescope, ça ne s'use pas vraiment. Tu sais, regardez dans mes lunettes, moi, là, ça n'a pas usé le verre à date. Là. Fait que, tout ça pour comprendre quoi, c'est que si tu ne le vibres pas, tu peux être capable techniquement de comprendre et de faire certaines choses, mais si tu ne le vibres pas, tu es handicapé. Il faut vraiment que tu vibres quelque chose pour pouvoir le faire. Puis c'est pas quelqu'un qui te donne une vibration. C'est les forces qui te mettent en vibration. Fait que si quelqu'un te dit hey, inquiète-toi pas, je suis là. Très, très, très mauvais signal. Ça, c'est vouloir mettre réellement quelqu'un dans une situation de dépendance par rapport à toi. Méfiez-vous de ça. La paix place, c'est le couple, c'est la famille et les amis. C'est la paix. Paix, paix. Il n'y a pas pire que ça. Parce que tu fais une confiance un peu comme émotionnelle là-dedans. Et puis, quand c'est une confiance basée sur le sentiment et l'émotion, ça revient tout le temps au vinaigre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je traite avec des gens, moi, là, qui ont des gros dossiers, des fois, à régler. Puis j'essaie le plus possible de les extirper d'une lecture émotionnelle. Parce que quand ils sont dans une lecture émotionnelle, ils vont nécessairement faire des gaffes. C'est sûr, garanti. Tu peux pas échapper à une gaffe quand c'est émotif. Parce que quoi? Quand tu es émotif, en quelque part, tu vas vouloir le faire à deux tout le temps. Tu n'es plus capable de rien faire tout seul. Puis tu vas le faire dans le rythme de l'autre. Moi, j'ai beau dire, exemple, à Jeannette, faut que tu prennes distance avec les enfants. Mais c'est pas quelque chose qui se commande, ça, là. Mais c'est quelque chose qui peut y permettre d'observer. Je dis, écoute, quand tu fais ça, as-tu remarqué qu'il se passe ça, ça, ça? Puis c'est pas parce qu'elle le reconnaît qu'elle est capable de changer ça. Bien important de comprendre ça. Arrêtez de vous engueuler pour des astites patentes où l'autre n'est pas capable. Quand il n'est pas capable, il n'est pas capable. Puis il est capable de faire des choses souvent que tu n'es pas capable. Tu sais, tu prends un couple, il y en a un qui est capable de dépenser, puis l'autre qui est capable d'économiser. Souvent, c'est pas le même. Fait que c'est une affaire de sécurité. Il y en a un qui dépense, il dit tabarnouche, tu m'as fait faire tout un move là. Ouais, mais c'était peut-être pas ton move non plus. C'était peut-être son move. Puis là, tu l'as forcé. Là, tu vas ah, suivre la vibration. Pas suivre la vibration. Tu l'as forcé au-delà de sa sécurité à pouvoir le faire. Mais là, elle tombe dans le pouvoir de le faire. Mais à chaque fois qu'elle va arriver avec un pépin, elle va dire, j'aurais pas dû. T'es pas supposé. Moi, casser de la machine, casser mon Benz, c'est 2000. Je voulais acheter un Benz, ça coûte 2000, c'est 2000. Point final. J'assume. Puis t'assumes. Tu veux vivre à risque ou tu veux pas vivre à risque? Pour moi, c'est pas. Écoute, il m'a coûté moins cher que mon Maxima, qui était déjà une très bonne auto. Puis, je dis, fuck, c'est toujours ce montant-là par année. Il m'a gardé 10 ans, moi, là, il n'y a rien là. Comprenez-vous? Fait que l'affaire de pouvoir, c'est pas pouvoir commencer, c'est pouvoir le soutenir. Pouvoir commencer, il y a bien du monde qui peuvent commencer quelque chose. Je peux emmener du monde dans une carabine, mais ils peuvent commencer. Mais ils sont-ils capables de dire, je peux t'investir temps, puis aller dans la compétition, puis papa. Pour justifier l'investissement, parce que tu justifies ton investissement, t'es dans l'angle, t'as besoin de justifier ton investissement. Puis là, il y a des gens qui ont le pouvoir de le faire puis de le soutenir, mais il y en a qui sont capables de le commencer, mais ils sont pas nécessairement capables de le soutenir. Donc, se définir par l'action, ça pourrait être, on pourrait transformer l'expression en disant se définir par la mise en vibration. Parce que l'action, bien des gens sont capables de poser un acte, mais tout le monde ne le vibre pas de la même façon. Ça, c'est important. Comprenez-vous? Fait que si toute ta vie t'organise pour pouvoir le faire, puis qu'en plus, tu as trouvé un moyen de pouvoir le faire à beaucoup, bien là, qu'est-ce que t'attends? Une bonne nuit de sommeil? Bien, va dormir. Tu le fais. Bien là, tu vas dire, ouais, mais je sais pas, pas capable de le faire. Pas capable de le faire, ça veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire. Ça veut dire que tu ne vibres pas pour le faire. Pas pareil. C'est plus une affaire de juste de sécurité. Là. C'est une affaire que tu ne le vibres pas. Tu ne peux pas, par quelqu'un, par personne interposée, vibrer quelque chose. Il y a des affaires que tu vibres parce que c'est dans ta structure, c'est dans ton canal de le vibrer. Puis pour un autre, c'est pas ça pantoute. Donc, tu sais, moi, m'occuper d'artistes, si je ne m'en occupe pas pour du coaching, ça ne m'intéresse pas les artistes. Mais si t'aimes ça, placer un artiste, le voir à la TV, tu te le quittes, ben là, t'as quelque chose, t'as un petit piment que j'ai pas. Moi, c'est le former, ça va, mais qui passe à la TV, qui passe pas à la TV, je sais pas si pibre ça à la tête, t'as beau dire, ça donne 15%, ouais. C'est comme, y a rien qui m'allume là-dedans. Hein. Fait que tu vibres à des choses que des fois, de l'autre, t'es pas capable de faire parce qu'il vibre pas. Pas parce qu'il est trop nounou pour pouvoir se mettre dedans. Tu sais, se mettre dedans, c'est une affaire de « ouais, t'as le goût de faire ça, c'est tout, simplement. » Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans l'action? Oui, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. D'un point de vue social, ils sont meilleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Tu veux-tu réussir dans la vie ou tu veux réussir ta vie? Réussir sa vie, c'est personnel. Réussir dans la vie, c'est collectif. Donc, une personne qui a à se définir dans l'action, il faut qu'il donne une priorité, de mon point de vue toujours, à une action qui lui permet de se développer et se raffiner dans son mouvement pour être éventuellement un élément qui est, comment je dirais ça, on peut le marketer, là, tu sais, on peut vendre son œuvre, on peut vendre son résultat. Le gars qui a été en Antarctique, là, puis qui a fait un show, il l'a fait pour lui. Puis aujourd'hui, il gagne ses vies avec des conférences de l'exploit qu'il a fait. Il n'a pas fait ça pour battre le Guinness. Il dit, m'a le faire pour moi. Puis si ça bat le Guinness, tant mieux. Mais c'était pas son objectif de base. Son objectif de base, c'est de vivre ça. Il a quand même deux petits-enfants, lui, là. Hey, il pouvait mourir à, je sais pas combien de 4000 kilos qu'il a fait. Puis 30 jours. En tout cas, il en avait assez pour se tuer là-dedans, là. T'sais, mourir gelé, il me semble, ça doit être une mort atroce. Ça doit être dégueulasse. Mais il était prêt. Il avait la sécurité, puis il avait le pouvoir de le faire. Il l'a fait. Là, aujourd'hui, que les retombées de ça lui donnent une prospérité, l'action, c'est, moi, je dirais ça, vu de mon point de vue, c'est aller vers. Mais le aller vers, c'est pas un objectif. L'ego a besoin d'un objectif. L'esprit a simplement besoin d'un prétexte. Parce qu'il traite avec de l'ego. Mais je pourrais dire que de l'esprit à l'état pur, ça n'a pas d'objectif. Ça a la vibration de le faire. Ça, je ne demanderai pas l'ultime, là. Mais ça, c'est vraiment le qu'est-ce que l'esprit fait. L'esprit te fait faire quelque chose, puis le caractère conséquentiel, qui est l'objectif, en général, pour l'âme, c'est pas essentiel. Il va vers, mais il se préoccupe pas du moi, tu l'avoir. Moi, quand j'ai commencé l'astrologie, c'était un trip de découverte du comportement humain. Mais tu m'aurais dit, à 65 ans, tu vas avoir poussé ça bien loin. Tu m'aurais parlé de ça, là, à 18, 19 ans, là, quand j'ai commencé, là. Tu aurais dit, faut faire ça, parce que je trippe, moi, là, je rencontre plein de femmes, first. C'est moi le coq dans le lot. Quand je vois là, tout le monde veut me voir. Tout le monde veut me parler. Tout le monde veut me faire des confidences. Puis, j'allais vers. J'allais vers une étude de la femme, une étude du comportement humain, j'allais vers. J'avais pas d'objectif d'être à 65 ans, le meilleur astrologue, c'était pas mon objectif, mais j'avais un goût de psychologie, principalement féminine. Vous me suivez? Ça m'a amené, éventuellement, à quelque chose qui pourrait être un objectif pour quelqu'un qui veut faire une vie comme la mienne, de conférencier dans des domaines paranormaux. Pour un être humain, ça pourrait être un objectif. Mais moi, initialement, j'avais pas cet objectif-là. Mais quelqu'un qui dirait, ben, la mémoire de Ménard, la mémoire de Bernard, fait qu'on a l'objectif de devenir comme ça. C'est flatteur pour nous autres, mais on n'a pas commencé comme ça, puis on l'a pas fait pour ça non plus. Ça a été comme, on est arrivé là, puis te dire qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, pourquoi je suis encore en vie, puis l'autre est mort, puis tu sais, j'ai aucune idée. Je continue tout le temps d'aller vers. Puis, quand j'ai des problèmes à caractère financier, je me dis, c'est pas avec ça que je vais régler ça. T'sais, j'ai pas la pensée d'aller faire du Jojo Savard ou faire des affaires à la radio. Ça m'intéresse pas, pantoute. Je regarde Facebook, ça me donne le goût de vomir plus que d'autres choses. Fait que c'est comme, pour moi, aller vers, c'est plus important que l'objectif. Un individu qui est dans un mouvement de conscience sait que c'est pas lui qui mène. Fait que quel objectif tu peux avoir? L'objectif, c'est pour un ego, c'est pour un âme, c'est pour l'âme. L'âme, il va se mesurer dans un objectif. Mais un individu qui est à un niveau de conscience, il ne sait jamais qu'est-ce qu'il va avoir à prendre comme train demain. Tu sais, demain, tu vas faire quoi? Là, c'est bon. Tu sais, ça se place pour ça. J'ai tel besoin pour faire ça, j'ai besoin de ça. Puis s'il te le donne pas, tu le fais pas. Puis si, quand je parle, il te le donne, je parle des forces. Les forces placent sur ton chemin la possibilité de ramasser un anneau à terre qui va te servir à avoir un pouvoir magique dans deux ans. C'est un peu comme les jeux là, de computer. Tu ramasses des affaires, puis à un moment donné, t'es bien équipé pour pouvoir te battre. Puis selon tes choix, t'es fort ou t'es pas fort. Tu sais. Bon, ben, il y a le aller vers. Et puis, l'action que tu maintiens, sans objectif aucun, va t'emmener à quelque part. Tu vas découvrir qu'est-ce que tu étais fait pour, sans vouloir définir ce que tu es fait pour avant de le faire. Ça se comprend-tu? Tu sais, les gens veulent être pompiers, veulent être ci, veulent être ça. Mais est-ce que être pompier, c'est savoir ce que tu voulais, ou tu sais ce que tu es à travers ce que tu as fait? Parce que, tu sais, pompier, c'est bien beau, pompier, mais pompier à telle place, pompier dans telle situation, si t'éteins des champs, puis si t'éteins des feux dans un 60e étage, puis t'éteins des petites maisons dans la prairie, tu peux peut-être être là juste pour faire l'administration, t'es peut-être là pour donner des cours de pompier, tu sais. C'est large à être pompier, tu sais. C'est large, n'importe quoi. Tu sais, c'est comme elle est agent d'artiste. Mais au début, c'est agent de mannequin, puis à un moment donné, ça s'est défini par la publicité, puis ça s'est défini par du coaching. À un moment donné, j'ai dit, charge aux gens pour t'occuper d'eux autres. Elle dit, ça se fait pas dans le milieu. Ben Chris, invente-les. Elle a été une des premières à charger 115-125$ par année pour s'occuper de l'artiste. Tu sais. Tu travailles avec un gars, là, puis pendant, je sais pas, 6 mois, t'es sur son cas, puis ça marche jamais, ça marche jamais. Tu te charges pas pour ça. Tu payes ton argent, tu payes ton temps. Ouais, invente-les. S'ils l'ont pas fait, fais-les. Fait que c'est ça fait partie du aller vers. Plutôt que de dire, il y a un objectif, il y a un modèle, il y a du préformatage dans le comportement des agents d'artistes. C'est préformaté comme ça. Ouais, préformaté. Ça te convient pas dans ton aller vers. Mais aller vers, c'est créer les conditions qui vont te permettre de devenir quelque chose qui a de l'allure. Là, hop, quelqu'un te copie. Là, ça, toi, il te copie. Il t'a pris les risques, puis il t'a suivi. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que ça avait de l'allure. Lui, il avait un objectif d'être préformaté, puis là, tout d'un coup, tu formates l'avenir de l'agent d'artiste d'une autre façon. T'en vas sans objectif, tu t'en vas aller vers, puis l'objectif se crée au fur et à mesure, avec quelque chose qui est totalement nouveau à chaque fois que tu le fais. Y a pas, la vie n'est pas fermée si tu ne te fermes pas. C'est comment tu crées ta vie qui est la game. Ah, moi, je ne peux pas faire d'autre chose que ça. Oupela! Ça, c'est l'âme qui parle. Parce que l'esprit, si ta vie commence à se plafonner à une place, c'est parce qu'elle veut te diriger d'un autre direction. Ah, j'ai pas d'objectif pour ça. Ouais, t'as pas besoin d'en avoir, t'as juste besoin de suivre la vibration. Puis tu vas travailler dans qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que les forces veulent. L'action va définir ce que t'es capable, que tu sais pas que t'es capable. Parce que les gens, ils sont tout le temps définis par un objectif financier. Moi, j'ai besoin de temps, si j'ai pas de temps, ben je le fais pas. Moi, je peux écrire un livre, je peux en écrire 4, je suis capable... quelqu'un me lancerait au défi, tu me dis que tu es capable d'en faire 4. Je vais me lever bien ça, voir ça. Puis là, je dis, ben écoute, c'est quoi la gageure? Tu mets combien ça à table? Moi, je serais capable de prendre une gageure de 40 000 piastres. 40 000, 4 livres, pas de trouble avec ça. Ça fait 1200 pages à écrire, pas de trouble avec ça non plus. Mais mette-moi 40 000, là, la gageure, puis j'y vais, je pars. C'est la sécurité. C'est la sécurité. Je peux perdre aussi. Puis, on m'a ramassé à la fin de l'année, j'ai écrit 3,5 livres. Ah, t'as pas écrit ton 4 livres, tu me dois 40 000. Ah, OK. Voyez-vous? Il faut que tu aies un pouvoir certain. Il faut que tu sois prêt pour être certain. Des fois, tu as la sécurité. Écoute, je me fais arracher un bras dans la journée, moi, là... J'ai un petit problème là, de réalisation. C'est pas impossible, là, parce que je peux travailler avec un micro, mais ça reste que j'ai un petit problème de réalisation. Mais il n'y a rien qui est d'impossible. Ben, si tu te crées une impossibilité, c'est parce que tu carbures trop avec des exigences. Ça, c'est plus des objectifs, c'est des exigences. Puis si tu n'aurais pas d'exigence ni d'objectif, tu pourrais juste aller vers. Tu t'en vas vers ça. Vous voulez écrire des livres? On va vous accompagner là-dedans. Ah, oh, ben, tu l'as jamais fait. T'as jamais écrit un livre. T'inquiète pas, je suis capable. Oui, c'est juste que tu me donnes une semaine en avant de toi, puis je vais tout te montrer comment faire un livre. Tu vas voir qu'en une semaine, là, je vais en chercher de l'info, là. On va commencer par se définir par l'idée. Puis après ça, ben, écoute, t'écris. Puis si t'es pas capable d'écrire, on va te faire parler. Puis on va sortir, le contenu, je peux même t'interviewer. Toujours à 50 pièces de l'heure. Avec un bloc de temps, évidemment. Tout ça pour dire quoi? C'est que aller vers, si tu te donnes la permission, tu n'as pas besoin d'objectif parce que c'est une limite. Pensez tout le temps qu'un objectif, c'est une limite. C'est juste pour te faire comprendre que si tu ne te limites pas, il n'y a pas de limite. Mais que si tu te limites par un objectif, tu as une limite. Le pire dans la vie que vous pouvez avoir quand vous êtes dans l'action, c'est d'avoir peur de le faire. C'est le pire. Les gens qui ont peur de le faire, ils sont pas capables. C'est sûr que je pourrais être certainement être très bon en cuisine si je m'y mettrais. Il faut que je le vibre. Et si je le vibre, je vais faire ça très bien. Toi, tu servirais de Ricardo comme livre, puis moi, je me servirais de ce que tu as lu dans les livres, que tu me parlerais, que j'aurais pas besoin de lire, que je pourrais faire, là, te regarder faire. Puis finalement, je pourrais être un excellent assistant cuisinier, chef cuisinier, si je me limite pas. Bien important de comprendre ce point-là. Vous vous limitez. Si ça marche pas, c'est parce que vous vous mettez une limite. Les forces vous développent tout le temps et ils ne vous limitent jamais. Si vous avez une limite dans votre vie, c'est parce que vous voulez quelque chose qui demande une certaine structure, organisation pour que ça puisse se faire et être rentable. C'est ça que je dis à Claire, j'aimerais ça avoir une tarte, je peux peut-être payer 15 piastres pour, puis on s'arrête à me faire une tarte. Tu gagnes pas tes vies avec 15 piastres, hein? Mais Claire, moi, si j'aime ça, ton affaire, je pense qu'il y a bien du monde qui pourrait aimer ça. Oups, t'en fais 20, là. Ben, à 15 piastres, on est rendu à 300, là. 300 $. Ouais, mais je gagne toujours pas ma vie. Arrête de te limiter avec le « je gagne-tu ma vie » puis va vers. Hop, t'en as fait 130. Tu gagnes pas ta vie, mais t'as payé ton loyer. Paye au banane, 400 piastres. Pouding au riz, 400 piastres. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Puis là, le réseau qui a commencé à acheter des tourtières à l'Orignal puis qui ont dit « ouais, elles sont bonnes. » T'as-tu d'autres choses? Ah, comment ça, il y a quelque chose de stable qui s'installe. Tu sais, c'est, ah oui, t'es capable de faire ça? T'es-tu capable de faire ça? C'est-tu moi l'essayer? L'essayer, puis t'es tout. Tu sais, tu travailles avec du monde qui le demande. Hey, fuck, c'est bien mieux que d'être obligé de l'offrir. Qu'est-ce qui va vous limiter? C'est juste toi qui peux te limiter. Ah, oh, ben je veux pas faire ça toute ma vie. Voilà, une limite. Qu'est-ce qui décide que c'est toute ta vie? Toute ta vie est limitée par toi-même. Toute ta vie est limitée par toi-même. Pourquoi? Parce que tu carbures à objectif. Ah, ben, t'as l'objectif de, l'objectif de, l'objectif. Puis tout à coup, la vie veut pas que tu ailles à cet objectif-là. Elle veut te faire passer par là pour aller ailleurs. Mais là, tu vas dire, si j'ai pas de limite, là, ça me fait bien trop de projets. T'es bien mieux avec bien trop de projets que pas de projets. On s'entend-tu? T'es bien mieux avec 10 produits de tarte que juste une tarte, une tourtière puis une petite pudding au riz. Tu sais, je veux dire, c'est comme aller vers, il n'y a pas de limite. Des objectifs, il y en a un. Moi, je veux faire ça, mais je ne veux pas faire d'autres choses. Ça, c'est paresseux. Vous pouvez voir, à un moment donné, que votre ego se crée une paresse à vouloir juste faire une chose. OK, ça peut te faire vivre toute ta vie, pas de trouble. Mais si tu ne crées pas avec ta vie, comment je te dis, tu voyages. Moi, quand je faisais de la consultation dans mes premières années, je trouvais ça un trip extraordinaire. Je voyage. Mon voyage en France, moi, là, ça a été le voyage chez les Français, là. Tu sais, quand j'étais faire des conférences en France. Puis, quand je revenais, puis j'avais des Français qui venaient me voir, le gars, là, comment il s'appelle, Jean-Luc Leroy, il revenait, c'était le fun, j'avais été en France, il venait de France au Québec, puis j'étudiais le français, tu sais, pas la langue, là, mais le personnage, la nature, la psychologie des gens de là-bas, etc. Fait qu'il n'y avait plus de limite. Pour moi, aller faire de la consultation, c'était aller voyager dans des classes sociales, c'était voyager dans des univers, ce qui fait qu'à un moment donné, que je rencontre un évêque, un prêtre, un homme d'affaires syrien, un juif, c'était toutes des mentalités. Je voyageais dans des mentalités. J'avais pas de limite, j'avais le goût, là. Mais à un moment donné, j'ai comme pris le beat de « ouais, c'est pas mal tout pareil », avec des langages différents, des cultures différentes. Puis, à un moment donné, quand t'as plus le goût des cultures, ben là, t'arrêtes de voyager parce que tu dis « je vais regarder mon album photo, puis je vais essayer de tirer des leçons de tout ce que j'ai fait, de toutes ces mentalités-là. » Mais jamais je me suis limité à dire « ben moi, je travaille juste pour les Québécois, je travaille juste pour... » Moi, j'ai eu des compréhensions de la femme vis-à-vis de l'homme avec des Arméniennes, des Arabes, tout ça de patente. Puis, tu sais, c'était comme, voyons, vous acceptez ça, vous autres? Ben oui, puis c'est la meilleure façon de vivre. Puis, ah oui, c'est la meilleure façon de vivre, d'être pris en charge, puis d'avoir une autorité absolue sur vous autres. On n'a pas besoin de penser. Merveilleux, je ne connaissais pas Bernard dans ce temps-là. Tu sais, j'avais, dans le temps, j'avais Denise Bombardier, puis l'autre qui était la femme de Stanky, je me souviens plus de son nom, mais c'était des brillantes en maudit. Puis c'était des féministes de l'époque, là, dans les années 70. Puis ils disaient, nous autres, on veut la vie de même, papa, la femme libre pour nous autres, c'est ça. Puis ça revenait tout le temps, c'est nous autres qui décident, on peut laisser décider. Tu sais, on n'a pas de problème avec ce qu'un homme décide, mais on veut pas que ça aille contre ce qu'on veut décider. Ah, ça, j'aime ça, ça a bien du sens. Aujourd'hui, je vois une Denise Bombardier que j'ai rencontrée jeune, c'est il y a 40 ans, elle était pas mal plus jeune qu'aujourd'hui. Et puis, c'est toujours la même femme qui veut décider, tu sais, ça dégage toujours le « je veux décider ». Puis c'est pas l'âge qui l'a changé, tu sais, la photo a changé, mais l'intérieur n'a pas changé. Fait que c'était une femme qui, à cette époque-là, là, dans... parce que je commençais dans les années 70, c'était comme un guideline pour moi. Là. Elle puis l'autre, qui était la femme à Alain Stanky, là, elle avait du chien dans le nez, elle aussi. Elle en avait plus, mais elle était une Française, c'était plus cultivée. Puis c'était bien intéressant de voir que des gens qui ont voyagé beaucoup peuvent avoir des mentalités plus larges, plus ouvertes, plus ci, plus ça. Puis ça peut faire comprendre qu'une personne qui reste à Saint-Lin toute sa vie a moins d'ouverture parce qu'il vit selon les critères de son milieu. Donc, ils ont l'objectif de s'entendre avec Monsieur le maire. Ça, c'est le sens profond de leur existence. Donc, le aller vers, je vous dis pas de pas avoir d'objectif, mais soyez flexibles dans vos objectifs, tu sais. C'est un objectif comme une course de rallye. On s'en va là pour aller trouver une petite étiquette qui va nous expliquer où aller la prochaine fois. Puis là, tu as 10, 12 bornes de reconnaissance. Fait qu'un objectif, c'est comme une course de rallye. C'est pas où est-ce que ça va finir, mais tu t'en vas vers ça pour avoir la étiquette, la surprise, le mystère, puis tu vas à un autre mystère, puis c'est comme ça la vie. Donc, qu'est-ce qui suit ça? Là, les gens vont dire, ouais, mais ultimement, tu parles d'esprit, donc on parle de vibration. La vibration, elle te fait voyager, c'est un voyage dans l'âme, qui n'est pas franchement comparable. Tu sais, il n'y a pas de comparaison. Il y a des gens comment je te dirais ça, donc? Moi, je ne pense pas avoir le même destin que vous autres, mais je tenais un élément d'information comme un bon livre à la bibliothèque pour vous informer d'une façon générale des grandes lignes de la vie. Mais je n'ai pas le même destin que vous autres. Donc, je ne vise pas à me marier à votre vie ou à vouloir me rapprocher de votre vie. Mais je sais que si je passe dans votre vie, vous allez voyager un peu. Tu comprends? Donc, si je vibre, puis que vous me voyez vibrer, vous allez en quelque part dans votre propre voyage, vous laisser avoir la permission de vibrer pour vous sortir de votre routine. Parce qu'il y a quand même une routine au niveau de l'âme qui nous donne une certaine sécurité. OK? Donc, vibrer quelque chose, puis voyager dans le monde de l'âme, ça peut être, dans ton voyage, une somme incroyable de plus puis de moins, de négatif, positif, de difficulté puis de facilité. Mais peu importe ce qui se passe, c'est un voyage pareil. Si tu gardes la vibration, comme moi, j'aime les chats. Que j'aime les chats, c'est le fun, puis c'est pas drôle, puis c'est ci, puis c'est ça. Si vous vibrez pas, vous voyagez pas. Moi, je voyage dans le monde animal, en tout cas des félins, là. Et puis, écoute, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vidéo de... Le gars, il avait 6 cervales dans sa... Hey, c'est haut de même, un cerval. C'est un gars, comme ça commence à faire du chat, là. C'est gros, un cerval, là, franchement, c'est impressionnant. Il y en a 6. J'en bavais, je dis pas. C'est une affaire. Non, je veux juste vous faire comprendre une chose. Vibrer quelque chose, c'est pas nécessairement posséder quelque chose, mais c'est d'être capable de voyager avec ce que tu vibres. Comprenez-vous? Je me dis pas je vais en avoir des cervales, j'ai pas d'objectif, mais je vibre. Fait que c'est un voyage. Moi, quelqu'un me dit, Daniel, je connais quelqu'un qui a trois cervelles chez eux, ça te tente de voir ça? Ah, sacrément, j'arrête tout, même une conférence, puis je pars. Vous me suivez? C'est vibré. Bon, mais il y a un voyage de l'âme là-dedans, là. Puis c'est pas toujours drôle, le voyage de l'âme. Tu sais, je peux rentrer dans la maison, puis je sais pas, le chat, il s'est fait chicaner avant, puis il me saute dessus, là. Il va me faire mordre, le kit, puis je pensais jamais vouloir le tuer. Un coyote, oui, en hostie. Mais le chat, il va me faire mal, il va aussi, puis ça, puis je dérange pas. Fait que l'âme se nourrit de ses voyages, et s'il ne se limite pas à juste vouloir du positif, il va faire un beau voyage. Mais l'individu qui crée pas de restrictions dans ce qui vibre, il est capable de prendre n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis que aller vers dans un comportement mécanique, puis aller vers avec une vibration, tu vas aller plus loin avec ce que tu vibres qu'avec l'aspect rationnel de dire « Ménard a dit, c'est comme une course de rallye, je fous j'aille à telle borne, puis après ça c'est telle borne. » Tu sais, tu peux faire du rallye, puis ça va être plate à mourir, le copilote va dire « On a-tu hâte d'arriver? » C'est plate. Il fait ça, c'est trop mécanique, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de vécu. Tu sais? Tandis que quand tu le vibres, tu es capable d'y aller avec l'âme, mais tu n'es pas emporté par l'âme. L'âme, elle te contrôle pas. Tu te sers de l'âme pour avoir le plaisir de le faire. Bon, tu vas me dire où est-ce qui est ton trip dans les litières. Les litières, c'est de savoir jusqu'où tu peux aller qui a plus d'allure. J'aime ça savoir où ça a plus d'allure. Comme en moto, moi, là d'avoir monté avec ma moto à 250, ça, là, c'est, tu le sens, là. T'es pas pesant, ça, ce fait. C'est le seul temps de ma vie que je me suis senti léger. C'est de rouler à 18 heures. Oh non, sérieux, c'est... Apparemment, tu payes 6 livres, ça, ce fait. T'es flyé. Ouais, t'es flyé d'aplomb. Mais c'est vraiment, tu sens la légèreté de l'âme, là. C'est vraiment que t'es prêt à passer sur un autre plan. Collier ce que ça paraît. Non, mais j'aime ça savoir jusqu'où ça peut aller, puis où ça n'a pas d'allure. Tu sais, tu comprends-tu? Non. Bon, c'est ça. C'est autant, c'est gratuit. Il y a des zones dans la vie qu'il faut qu'ils soient explorées dans leurs limites. C'est juste ça que je veux vous dire. Parce que ça, quand tu connais, tu dis, Christ a monté dans les arbres, il doit y avoir des arbres, là, que tu dis, ça n'a pas d'allure, faire ça. Tu sais, c'est plus une affaire d'arbre, es-tu capable? C'est plus ça, là. Tu as fait quelque chose que là, bon, là, tu étais à la limite. Tu étais à la limite, puis pour avoir découvert le côté négatif de la limite, tu dis, là, si je continue, là, je vais me tuer, Christ. Bon, ben, c'est un petit peu ça. Dans n'importe quelle vibration, le voyage, c'est ta limite, ton voyage. Ton voyage, il y a des gens, tu dis, mon Dieu, qui ont été loin, eux autres, là-dedans. Mais chaque individu a son propre voyage de l'âme. Puis quand tu dis, ah, là, j'ai mon voyage, tu sors de ta chambre, tu dis, ouais, là, j'ai mon voyage. Ça dit tout. Fait que la dynamique des gens, on porte des jugements sur les voyages des autres, mais as-tu besoin de voyager comme ça? C'est bien beau vouloir critiquer, mais tu critiques-tu pour juste chialer parce que t'as du temps à perdre, ou tu critiques parce que tu dis, ben moi, je voyage pas de la même façon. Pas voyager de la même façon, ça veut pas dire que l'autre, il voyage mal. Ça veut dire que son voyage à lui, il se fait de telle façon, puis ton voyage à toi, il se fait d'une autre façon. Vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous allez être capable de vibrer un voyage pour aller jusqu'au bout? Parce que le plaisir de vie est dans l'aller jusqu'au bout. Négatif, positif. C'est toujours plus facile, le positif. Moi, c'est sûr que quand j'ai 8 petits bébés, là, avec les deux femelles couchées à côté de moi, là, faut pas que je bouge trop, parce que je peux en écraser un, quand même. On a un rapport de poids que si lui, le petit chat, il monte sur moi, puis moi, je monte sur lui, ça fait pas le même effet. il crie pas longtemps, là, tu sais. Tandis que quand c'est la femelle qui lèche le cul, il va crier, mais il peut crier plus longtemps. Fait il y a le facteur de, bon, c'est le fun d'avoir ça, toute cette petite gang-là, puis oups, ça chatouille, il reste en bas, là, tu sais. Ou près des pieds, ou près des organes, puis ça va pas les griffes, pas la place. Il y a le plaisir de, puis il y a la difficulté de. Si vous êtes capable de vraiment vibrer, vous allez normalement connaître les deux aspects. Les deux polarités. Si vous n'êtes pas capable de traiter avec l'élément négatif, c'est parce que vous ne vibrez pas. Une vibration, ça te permet d'encaisser les situations conflictuelles de l'âme. L'arbre, il est trop plus puis moins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, il a bâti sa maison. On s'entend que c'est pas tout le monde qui a le goût de bâtir sa maison. Il a fait une maudite belle job. Fait juste pour avoir bâti sa maison avec sa femme, puis de l'habiter, puis de mettre un contexte. Moi, j'ai toute vu les progressions de ça. Hey, ça valait la peine. Tu sais, tu peux dire, moi, je travaille pour faire de l'argent, puis mon objectif de vie, c'est ma maison. Il a raison, Nosti, ça valait la peine. Il se bâtit dans les flancs de montagne. On attend l'ascenseur, Marc, parce que moi, plus j'y ai, moi, je peux monter. Et puis... À un moment donné, on ne sait jamais, ça va être un tapis roulant avec un système mécanique qu'il va falloir craquer en bas pour avoir du spring jusqu'en haut, tu sais, peu importe. La dynamique est que s'il va dans le bout du bout du bout de son voyage, il aura toujours le plaisir de vibrer ce qu'il aime faire. Indépendamment de ce que... Tout son extérieur, son environnement va être à son service pour vivre ce bien-être-là. C'est ça que vous devez organiser comme vie. Tu sais, on parle des événements difficiles, des temps futurs. Shit, tu voudrais être capable de rester dans une maison pendant un an sans sortir. Mettons qu'il y aurait, je sais pas, moi, de la poussière de volcan là, dans l'air, puis que c'est pas bon de sortir à moins d'avoir un masque dans le visage. Si vous êtes capable d'être bien avec vous-même, la vie est belle. Mais si vous n'êtes pas capable de vivre sans stimuler extérieur parce que vous n'êtes pas capable de vous amuser de vous-même, ou avec très peu, shit, ça va tout coûter une fortune. Moi, je suis en train de réduire mon train de vie là, de ce temps-là. Puis c'est pas si pire, en final. Tu sais, un pauvre barjot, quand tu manges bien, là, tu peux rester avec bien de la salade dans le corps un bon 7-8 heures de temps. Puis... Ben, je mange des fruits beaucoup, beaucoup, beaucoup, avec le plus possible du poisson, puis je m'arrange bien que ça adapte. Puis vibrer, puis aller vers d'une façon mécanique, c'est deux vies complètement différentes. Le goût de vivre, il est pas dans l'objectif. Le goût de vivre, il est dans le aller vers avec la vibration. Et l'exploration du voyage, c'est de vivre avec la surprise de ce que t'es avec les autres. Faut que tu te donnes l'occasion d'être te surprendre, d'être avec les autres. Je voyage, puis je découvre des choses qui me fitent parfaitement. J'étais un mangeur de poisson. J'ai découvert ça, qu'entre du steak puis du poisson, j'ai mis le poisson. Fait que j'étais un gars à sushi, j'étais un gars à poisson, point de fumée. Tu sors de tes zones de confort. Non, je pense que j'ai toujours aimé le poisson. C'est juste que, maintenant, on me disait de manger du bœuf. On me disait de manger du poulet. Je n'aille pas le poulet, mais il faut vraiment qu'il soit bien apprêté, le poulet. Mais dans mon voyage, j'ai vu que c'était ça qui me fitait le plus. Fait que tu me dirais, tu vas manger du poisson jusqu'à la fin de tes jours. J'ai déjà été samouraï, j'ai vécu au Japon, puis on mangeait pas mal de poisson là-bas. Fait que, ça revient, ça se fixe, puis ça me permet de bien vivre. Parce que bien vivre, c'est pas juste de la consommation. Bien vivre, c'est un goût de faire quelque chose. Quand t'es mal nourri, tu te bourres de Doritos à tous les jours, tu vas perdre un certain feu à un moment donné pour faire quelque chose parce que t'es mal nourri. Mais si tu aimes des choses qui conviennent bien avec toi, ça va te guérir de n'importe quoi. Tu vas trouver de bonne humeur. Alors, vous remarquez que je suis pas malade souvent. Ou si je suis malade, je m'en rends pas compte. OK. Ça, c'est une clé. Aller vers avec des objectifs, ça va vous rendre votre vie mécanique, pas de sensibilité, aucune. Puis si vous le vibrez, bien, votre sensibilité va se développer sur la perte de l'émotion. Ou vous perdez en émotion, vous gagnez en sensibilité. Mais si vous avez des gros problèmes émotifs, pensez pas que vous êtes sensible. Vous êtes irritable, pas pareil. De l'irritabilité puis de la sensibilité, c'est deux affaires différentes. Fait qu'une personne qui vibre, elle perd en émotion, mais elle gagne en sensibilité. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle est très, très sensible, elle a une écoute écœurante. Et puis, elle devient extrêmement efficace parce qu'elle est capable de reconnaître le rapport qu'elle a avec l'autre. Quand vous n'êtes plus capable de voir le rapport avec l'autre, Chris, parce que vous êtes dans l'émotion, puis vous n'êtes pas dans la sensibilité. Puis tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qui est émotif? Je suis toujours en train de me choquer. Mais ouais, mais les émotions, c'est pas toujours positif non plus, ça peut être négatif. Mais quand tu es dans un rapport où tu es toujours en train d'haïr, c'est sûr que tu n'as pas de sensibilité là. Tu es dans un rapport émotionnel, très différent. Fait quand tu vibres, ben, quand tu pognes un bout d'âme où tu es irritable ou ci ou ça, ben, si tu l'identifies, ben, c'est un bon voyage parce que ça te permet de voir que là, il y a un manque. Il y a un manque à vibrer, puis il y a un manque de conscience, puis il y a un manque qui t'amène à un développement quelconque. Fait que l'évolution d'une personne, c'est très complexe, mais quand c'est une vibration, ça t'amène à être comme un GPS, à voir les choses qui ne sont pas prises dans le détail. Puis il faut surtout que vous acceptiez de passer par le mal. Bien important. C'est tous des voyages dans le sens d'un apprentissage, puis dans le sens de est-ce que tu vibres vraiment pour pouvoir endurer ça. Quand tu es capable de stopper ton hémorragie de chiolage, parce que les gens, quand ils n'aiment pas ça, là, c'est « Ah, ben, calé! » C'est toujours ben, « Écoute bien, raffine ça, là, puis essaye de « Ah, c'est bon. C'est bon. C'est souffrant, mais c'est bon. » Là, c'est du sadomaso. Moi, chez nous, c'est 50 nuances de Dan. C'est pas de gris, c'est de Dan. Fait que vous avez une vie en fonction de votre capacité d'aller dans tous les registres. Si vous allez juste dans un seul registre, vous avez 180 degrés de votre vie qui n'est pas exploré. Mais si vous voulez avoir les 360 degrés de votre vie, un couple, t'as un exemple. Tu veux vivre en couple? Chris, si tu prends pas qu'il se brosse pas les dents, si tu prends pas qu'il pète quand il va se coucher, si tu prends pas ci, si tu prends pas ça, si tu t'es bien mieux de vivre qu'au là, ou carrément une autre maison, un autre appartement, une autre place. Parce que tu prends rien. Tu veux juste avoir le meilleur. Tout le temps le meilleur, meilleur, meilleur, meilleur. Tu sais. L'évolution de votre vie, c'est votre message qui va être retenu. C'est pas votre personnalité. Mais toute la vie d'une personne, ça se résume à qu'est-ce qu'elle dégage. Quand elle meurt, c'est le résumé de ce qu'elle dégage qu'on retient. C'est pas les faits d'armes. Là. Fait que quand tu es avec une personne, il y a juste des traits qui dégagent le voyage de l'âme. C'est dans le voyage de l'âme que tu es reconnu. Pas par le qu'est-ce que tu as fait, puis quel voyage tu as fait, puis qu'est-ce que tu as compris de la vie. Non, ça c'est pas vraiment ça. C'est l'ambiance générale. Tout le monde dégage une ambiance générale. Moi, je retiens Monique Prudhomme. Je retiens, elle faisait 25 000 par année, puis elle a mis 80 000 pièces à côté. Il était benouche. J'ai dit, oui, ça c'est pour moi, là. À mort demain matin, je retiens ça. Cette capacité de ramasser des choses. Je te dirais, elle me dirait, là, moi je tiens de l'eau d'une roche. Je laisserais essayer ça. Moi, je suis up, c'est sûr. Mais elle, elle dirait ça, acheter de l'eau d'une roche. Je peux pas dire « why », ça se peut pas. Non, elle, elle m'a démontré que c'est possible de tirer de l'eau d'une roche. Moi, quand je suis dans mes affaires, là, puis je dis « bon, ben là, un restaurant par jour », puis là, je suis au restaurant, j'essaie de voir dans ma tête si je vais prendre une omelette au fromage, trois œufs à 8,95, ou si je vais aller sur les Penin Romanoff à 11,95. Puis ça, c'est mon gros débat de la journée, c'est les œufs, les pâtes, puis là, j'ai pas de poisson. Là, je pense à Monique, puis là, je vois ses œufs. C'est probablement à coup de 3$ qu'elle a bâti sa vie, à penser à coup de 3$. Ça fait ma journée. Je pense à elle tous les jours. Un bain, deux bains. Monique, elle prendrait juste un bain. Puis c'est des histoires, je suis sûr qu'elle n'a jamais été confrontée, mais ça me fait du bien de penser que c'est faisable. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui batte un marathon, qui dise, moi, avec 15 000, je mange une poche de riz par mois, puis avec une batch de poulet que je ramasse, là, qui était à la limite, là, qui coûtait à 1,5$ plutôt qu'à 3$ la livre. Puis là, ça battrait Monique. Là. Mais lui, c'est déjà trop loin de ma réalité. Tandis qu'elle, c'est plus proche. Que, tu retiens des voyages. La personne a voyagé dans cet univers-là. Vous autres, un voyage, c'est aller à Pékin, à Thaïlande. Non, moi, le voyage, pour moi, c'est la mentalité de quelqu'un. Comment il a voyagé dans sa vie? C'est ça qui m'intéresse, son combo. Mais la vie, là, le regard vers l'autre, c'est aussi un regard pour t'éduquer. T'sais, tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre, puis il y a quelque chose à éduquer. T'sais, j'explique aux gens savoir écouter, puis je regarde Michel, il rentre ici, il fait pas de bruit. Tu te rappelles pas de son nom parce qu'il l'a jamais dit. S'il n'est pas marqué sur une feuille de papier, tu ne sauras jamais. Assez qu'au début, je disais, c'est un évaluateur ou un gars de la GRC. Puis, Je dis, on va aller vers. On va voir si dans l'ensemble, ça n'a pas pire. Qu'est-ce que tu veux? Bernard, il a été suivi par un gars de la GRC qui est devenu son grand chum en vieillissant. Je dis, peut-être qu'ils vont être un grand chum à un moment donné. S'il est évaluateur, ben, ils vont faire une évaluation, c'est tout pratique. Fait que l'évolution, c'est vibrer des choses, mais c'est aussi voir ce que les autres vibrent. Puis l'action qu'ils ont portée dans ta vie, ça devient comme une école. Moi, je m'éduque des autres dans leurs actions qu'ils ont faites ou qu'ils sont en train de faire. J'ai appris le avec des pros, mais j'ai appris surtout par leur expérience. Ils ont vibré les âmes. C'est un paquet de gars qui se ramassent depuis 20 ans ensemble à vouloir se faire des petites compétitions entre eux autres. Puis nous autres, on s'est greffés à ça, puis ils nous ont appris beaucoup, beaucoup. Et puis moi, j'étais en mesure d'apprendre à des gens parce qu'eux autres m'ont appris. Fait que ils ont vibré les carabines, ils ont vibré dans des registres qui sont très, très avancés au niveau du tir. Et puis je me suis éduqué de leur expérience, donc de leur voyage d'âme. Puis dans l'âme que j'avais le goût de vivre ça, ben ils m'ont amené beaucoup, beaucoup, beaucoup. Probablement, je ne fais jamais le temps qu'eux autres ont fait. Moi, 20 ans, moi, être mort déjà. Mais le bout que j'ai fait avec eux autres, Gaulin, la gang, là, c'est le fun, ça. Là. J'ai pas besoin de les connaître dans leur vie privée. J'ai juste besoin de voir dans leur voyage comment ils ont vibré à des choses, puis je peux participer à ça. Ben, c'est pareil entre vous autres. Si vous êtes capable de vibrer à ce que l'autre vit, plutôt que de tout en train de chialer après, ben là, qu'est-ce, vous allez vous faire des amis, puis vous allez faire un goût de vivre avec ça, là. Goût de vivre, c'est pas deux personnes qui se masturbent le mental ensemble. Là. C'est voyager, tu sais. Quand tu fais Montréal-Saint-Lin, Montréal-Saint-Lin, Montréal-Saint-Lin, on va changer ça, on va partir de Saint-Lin, on va aller coucher à Saint-Lin, on va aller redescendre à Montréal. Écoute bien. Ouh! Tu sais, c'est bon du caramel McIntosh, là, mais à un moment donné, ça te colle entre les dents. Si, arrête, tabarnak, change de ville. Là, si tu vas-t'en au moins à Saint-Nicéphore, si, tu sais, au moins, tu vas avoir quelque chose qui change. Fait que c'est ça. C'est un peu ça. Mais tu casses les routines en vivant ce que l'autre vibre. Merveilleux, ça. N'importe qui vibre de quoi, c'est toujours le fun de l'écouter parler, tout le temps.